Chapitre 14e. Il était allé au Louvre, porté par les ailes de l'espérance. Il revint rue des Vieilles Audriettes, abattu et désolé. Il était furieux contre tout le monde et mécontent de lui-même. De cette journée dont il s'était fait grande fête, il ne rapportait qu'un mauvais souvenir. Pendant les quelques jours où il avait voulu aller au Louvre, sans trouver ou plus justement sans prendre le moyen de réaliser son désir, il n'avait point agité en lui-même la question de savoir ce qu'il dirait à Juliette. Il n'avait pas fait un plan. Il n'avait pas noté dans sa tête les points qu'il traiterait. Seulement, il avait pensé qu'il aurait une explication avec elle. Laquelle ? C'était ce qu'il n'avait pas précisé, car il n'était pas dans ses habitudes de décider à l'avance ce qu'il ferait. Il aimait au contraire à remettre sa fortune aux mains de l'imprévu, pour les choses graves aussi bien que pour les futiles, et il comptait toujours que le hasard arrangerait ses affaires au mieux de ses intérêts. Méthode commode pour lui, par cela qu'elle donnait satisfaction à sa paresse naturelle, en même temps qu'à son indécision de caractère. Mais dans cette circonstance, ce bienheureux hasard, tant de fois son complice, s'était tourné contre lui. Il n'avait pas pu avoir avec Juliette cette explication dont il attendait des merveilles, et d'un autre côté il avait eu cette mauvaise chance, alors qu'il devait se taire, de voir les autres parler et d'entendre ce qu'ils disaient. Et ce qu'il avait vu, aussi bien que ce qu'il avait entendu, n'était point pour le contenter dans le présent ni le rassurer dans l'avenir. Sans avoir jamais jusque-là sérieusement pensé au mariage, il s'était fait un certain idéal de la jeune fille qu'on épouse. Innocence parfaite, ignorance, naïveté, les yeux baissés, le langage réservé. En un mot, la petite fille qui s'est enveloppée dans sa robe de première communion et y est restée immaculée à l'abri des atteintes de la vie. Les oreilles bouchées, les yeux fermés, n'ayant près d'elle ni ami, ni camarade, ni frère, ni cousin. C'était à peu près ainsi qu'il s'était fait autrefois un idéal de la femme qu'il aimerait. La femme jaune, andalouse ou tout au moins castillane, ce qui ne l'avait pas empêché d'aimer une femme qui était blanche et parisienne. Or Juliette ne ressemblait en rien à ce modèle de jeune fille qu'il avait reçu des mains de la tradition et de la convention. Si elle avait l'innocence, ce qu'il croyait fermement, elle n'avait pas la naïveté, ni les yeux baissés, ni le langage réservé, et il y avait longtemps qu'elle avait quitté sa robe de première communion, comme le papillon laisse là sa chrysalide pour s'envoler. Dans ses promenades mélancoliques à l'étranger, alors qu'il pensait à elle, il s'était bien souvent inquiété, se demandant quelle pouvait être sa vie, quels gens elle voyait, comment elle passait son temps et avec qui. Mais ce que son esprit avait inventé ne ressemblait en rien à la réalité. Jamais il n'avait imaginé qu'on pouvait parler d'elle comme l'avait fait ce journaliste et ce peintre. Jamais il n'avait supposé qu'on pouvait la traiter avec cette familiarité. Il voulait bien accorder quelque chose à la liberté d'une artiste, mais cette camaraderie dont il avait été témoin le révoltait. Où s'arrêterait-elle? Ce jeune peintre à l'air fat était-il le seul qui se permît ces familiarités? Si elle en riait avec lui, elle ne devait pas s'en fâcher avec d'autres. Celui-là était bête et grossier, au moins c'était ainsi qu'il le jugeait dans sa jalousie, mais les autres. Parmi ceux-là, ne s'en trouvait-il pas qui pouvait lui plaire et qu'elle aimait? Pourquoi cela ne serait-il pas? Il n'était pas soupçonneux, et c'était seulement à la dernière extrémité, quand il ne pouvait plus fermer les yeux à l'évidence, qu'il admettait le mal. Mais quel mal ferait Juliette en se laissant aimer? S'était-elle engagée envers lui? Lorsqu'il était parti pour l'Angleterre, avait-il été lui demander d'attendre son retour? S'était-il jamais expliqué franchement avec elle? Lui avait-il jamais parlé de son amour? Il le lui avait montré, il est vrai. Maintes fois, il lui avait donné des preuves de cet amour, mais après? Dans les conditions de fortune où elle se trouvait, si différentes de celles dans lesquelles il se trouvait lui-même, cet amour qui ne s'exprimait pas franchement n'était-il pas un outrage plutôt qu'un hommage? Son silence obstiné ne disait-il pas « Je vous aime, cela est vrai, mais c'est malgré moi, contre ma volonté et contre mes espérances. J'ai du bonheur à être avec vous, cela est vrai aussi, mais ce bonheur me gêne. Un homme dans ma position ne peut pas devenir le mari d'une jeune fille qui n'a rien. Encore, si vous aviez un million ou deux, comme je serais heureux de vous dire que je vous aime, non plus seulement des yeux, mais des lèvres, avec un bon contrat de mariage à l'appui. » Son départ ne confirmait-il pas pleinement ce langage, avec cette circonstance aggravante que pendant cette année de voyage, il ne lui avait pas écrit une fois, et que pas une fois, il ne lui avait envoyé un signe de vie. Pourquoi l'eût-elle attendu? Savait-elle qu'il reviendrait? Revenant, savait-elle s'il parlerait? Alors pourquoi n'aurait-elle pas permis qu'on l'aimât, et pourquoi elle-même n'aimerait-elle pas? Elle était assez séduisante pour provoquer l'amour et assez sensible pour répondre à un sentiment qu'elle aurait excité. Dans le milieu où elle vivait, les occasions ne lui avaient pas manqué. Agitant ses pensées dans sa tête, partagé entre la crainte et l'espérance, il rentra, peu disposé à la conversation et à l'épanchement avec sa mère. « Eh bien, » dit celle-ci en le regardant à la dérobée, « as-tu vu les tableaux que tu voulais ?»« Oui. » « Sont-ils supérieurs à ceux que tu as vus à Amsterdam ou à La Haye ?»« Non. » »« Tes impressions étaient-elles encore assez vives pour te permettre de comparer ?»« Oui. » »« Alors tu es content de ta promenade ?»« Oui, maman. » »« Tu n'en as pas l'air. » »« Excuse-moi, j'ai mal à la tête. Je vais me mettre à travailler. » »« C'est un joli remède. Je ne veux pas de ça. Ne travaille pas trop. » »« C'est d'avoir trop travaillé pendant ces derniers jours que tu es souffrant. Demain soir, nous irons à Nogent. » Et nous n'en reviendrons que lundi. La campagne te fera du bien. » Ce voyage à la campagne ne pouvait pas lui convenir. Et Juliette, comment la verrait-il s'il allait le dimanche à Nogent et leur explication ? « Je ne tiens pas du tout à aller à Nogent, » dit-il, « et je t'assure que je n'ai pas besoin de la campagne. Si tes affaires te retiennent à Paris, ne les abandonne pas pour moi. Je ne veux pas que notre association commence par te faire perdre ton temps. » « Nous irons à Nogent, » dit-elle d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Il eut cependant envie de répondre qu'il voulait rester à Paris. Mais comme il n'avait pas prévu cette complication et n'avait pas un bon prétexte préparé à donner, il se tut. Il ne lui convenait pas de dire qu'il devait faire une visite à Juliette, ni de laisser soupçonner qu'il pouvait la voir. « À propos, » dit Madame d'Alifard, « as-tu rencontré Lénélis dans ta promenade au Louvre ?»« Oui. » « Je t'avais bien dit que tu les verrais. Elles vont bien. »« Très bien. Elles m'ont chargé de leurs amitiés pour toi. »« C'est joli, cette copie que fait Juliette. »« Tout à fait remarquable. Elle a vraiment un grand talent et depuis un an, elle est encore en progrès. »« Je suis bien heureuse de ce que tu me dis là. Je l'aime beaucoup, cette chère enfant. »« Et cela me rassure de voir qu'elle pourra se créer une bonne position et vivre indépendante. » Il n'eut plus qu'une préoccupation. Trouver un moyen pour ne pas aller à Nogent, sans avouer la vérité ou la laisser soupçonner. Ce fut à chercher ce moyen qu'il employait sa journée du samedi, mais le temps s'écoula sans que rien de bon se présentât à son esprit. À 3 heures, alors qu'il croyait avoir encore 4 heures devant lui, sa mère vint le surprendre pour lui annoncer qu'elle avait avancé son départ et qu'elle le priait de l'accompagner. Il conduirait lui-même le phaéton. Il ne lui restait plus comme ressource que de revenir le dimanche de Nogent à Paris. Après tout, ce n'était pas impossible. Mais au moment où il allait réaliser cette idée, sa mère entra dans sa chambre pour lui demander de l'accompagner. Elle voulait faire une promenade pour voir les jardins de ses voisins. Madame d'Alifard, qui possédait à Nogent une de ces belles maisons dont les jardins descendent jusqu'au bord de la Marne, ne connaissait pas plus l'art du jardinage que les usages du monde. Mais elle avait l'orgueil de vouloir que son jardin fût le mieux entretenu et le plus richement tourné du pays. La chose eût été facile en prenant un bon jardinier, à qui elle aurait ouvert un large crédit. Mais ce système n'était pas le sien. Elle voulait ordonner elle-même. Seulement, comme elle se rendait justice et savait son inexpérience, elle voulait acquérir ce qui lui manquait. Pour cela, elle se promenait devant les grilles de ses voisins, et prenait chez les uns et les autres ce qu'elle trouvait à son gré pour le faire exécuter chez elle. De cette contrefaçon, elle composait un ensemble qui la satisfaisait. N'avait-elle pas réuni chez elle seule ce qui était dispersé chez 20 autres? En entendant annoncer cette promenade, Adolphe eut le courage du désespoir et déclara que son mal de tête persistant, il n'avait qu'un moyen de le guérir, c'était de faire à pied une longue course à travers la campagne dans les plaines de Villiers et de Noisy. Il irait droit devant lui, déjeunerait n'importe où et reviendrait pour dîner. Une heure après, il sonnait à la porte de l'atelier de Juliette. Ce fut Madame Nélis qui vint elle-même lui ouvrir. Elle le fit entrer dans une petite pièce où, sur une large table en bois blanc, des étoffes étaient étalées. C'était le cabinet de travail de Madame Nélis, lorsqu'elle ne lisait pas Hermans, Histoire d'une âme, ou d'autres livres de ce genre. Elle passait sa vie à tailler et à bâtir des robes, des ceintures, des paletots et des mantelets. Elle avait toujours eu le goût pour la toilette, et depuis que sa position de fortune ne lui permettait plus de faire de longues stations chez sa couturière, et encore moins des commandes, elle se consolait en coupant de ses mains des vieilles robes du temps de sa splendeur qu'elle mettait à la nouvelle mode. Un vieux chat, qui lui aussi avait connu des jours meilleurs, était couché sur un coussin en soie qui occupait un coin de la table, et de ses yeux verts, il suivait la marche des ciseaux comme s'il présidait à ce travail. « Vous arrivez de bonne heure, » dit Madame Nélis. « Vous nous surprenez presque. C'est bien gentil à vous, mais d'un autre côté, Juliette va être désolée. »« Elle n'est pas là, » dit-il, le cœur serré. « Elle est sortie il y a 2 heures pour retourner à Passy. Hier, nous sommes allés voir le tableau de Francis Hérol, vous savez, le tableau dont M. Godefroy nous a parlé l'autre jour. Il l'a trouvé si beau qu'elle en a rêvé toute la nuit. Ce matin, elle a voulu le revoir. » Et elle est retournée à Passy. De peur que vous n'arriviez, je n'ai pas voulu aller avec elle, et je lui ai donné notre vieille bonne pour l'accompagner. Elle va revenir d'un moment à l'autre.